Alors pour conclure, face à tout ça, il semble y avoir de plus en plus de questionnements et de plus en plus de colère qui s'expriment. Il y a aussi des partis que l'on appelle souverainistes, qui sont eurocritiques, comme le Front de Gauche, le Front National, jusqu'au petit parti de Debout la France. Eux, ils ne veulent pas quitter l'Union Européenne, mais ils veulent la faire changer. Ils en appellent à un rapport de force entre la France et l'Union Européenne qui ne pourrait en fait que plier. Mais il y a deux autres partis, le PRCF, communiste, et l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, le plus gros et le plus actif, qui eux disent que c'est impossible. On ne peut pas changer une seule ligne des traités européens car nous sommes soumis à l'article 48 du TUE. Ce qui veut dire que tout ce que l'on a vu est soumis à la loi de l'unanimité. Et donc il faudrait que les 28 États membres, pas tous moins un, tous, qui ont pourtant des intérêts totalement divergents, se mettent tous d'accord au même moment sur un même point, et en plus que ce soit dans la direction qui nous intéresse à nous les Français. Eh bien l'UPR dit que ce serait bien plus difficile que de gagner à l'euro-million. Ces partis nous renseignent même sur le fait que l'on ne peut pas quitter l'euro sans quitter l'Union Européenne, car il n'y a aucun article dans les traités qui le permette. Alors ils appellent donc à quitter l'Union Européenne par l'article 50 qui lui le permet et n'est pas soumis à la loi de l'unanimité. C'est pour eux le seul moyen pour que les Français retrouvent la liberté de choisir eux-mêmes leur destin collectif. Alors donc, que faire de toutes ces informations? Eh bien, tout cela vous appartient. Pour ma part, j'aime à me rappeler ce que nous dit le grand psychologue en communication non violente, Thomas Dansbourg, lorsqu'il cite l'école de Palo Alto. Lorsqu'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce que l'on a toujours obtenu, comme pour mieux nous pousser à faire évoluer notre manière de penser. Eh bien, j'espère qu'avec tout ça, vous ferez ce qu'il faudra pour que vous obteniez ce que vous voulez vraiment obtenir, et ainsi, nous n'en arriverons jamais au jour où la France est mourue. Je vous remercie.